Selon le journal internet sud-coréen Jeju Sibo, l'Alliance des étudiants sud-coréens du 21e siècle a organisé le 26 juin devant la Maison Bleue une conférence de presse exigeant l'abandon de la disposition de Saad et le retrait des GIs. Par ailleurs, d'après le journal internet sud-coréen Tongil News, la direction de la province du Jeolla du Nord du Comité Sud pour l'application de la déclaration conjointe du 15 juin a tenu le 27 juin devant le siège de la préfecture de la province avec les formations civiles et sociales une conférence de presse pour réclamer aux autorités sud-coréennes d'abandonner la servilité envers les États-Unis.